Fragment d'Alcée, poète grec. Quel est donc ce devoir, cette fête nouvelle, qui pour 10 jours entiers t'éloigne de mes yeux? Qu'importe à nos plaisirs l'Olympe et tous les dieux, et qu'en est-il de commun entre nous et Cybèle? De quel droit m'ose-t-on arracher de tes bras? Se peut-il que du ciel la bonté paternelle ait choisi pour encens les malheurs d'ici-bas? Reviens de ton erreur, crédule Éléonore. Si tous deux, égarés dans l'épaisseur du bois, au doux bruit des ruisseaux mêlant nos douces voix, nous nous disions sans fin « je t'aime, je t'adore », quel mal ferait aux dieux notre innocente ardeur? Sur le gazon fleuri, si près de moi couché, tu remplis soit tes yeux d'une molle langueur. Si ta bouche brûlante à la mienne attachée, j'ai toi dans tous mes sens une vive chaleur, si mourant sous l'excès d'un bonheur sans mesure, nous renaissions encore pour encore expirer, quel mal ferait aux dieux cette volupté pure? La voie du sentiment ne peut nous égarer, et l'on n'est point coupable en suivant la nature. Ce Jupiter qu'on peint si fier et si cruel, plongé dans les douceurs d'un repos éternel, de ce que nous faisons ne s'embarrasse guère. Ses regards déployés sur la nature entière ne se fixent jamais sur un foible mortel. Va, crois-moi, le plaisir est toujours légitime. L'amour est un devoir, l'ennui seul est un crime. Laissons la vanité riche dans ses projets se créer sans effort une seconde vie. Laissons-la promener ses regards satisfaits sur l'immortalité. Rions de sa folie. Cet abîme sans fond où la mort nous conduit garde éternellement tout ce qui l'engloutit. Tandis que nous vivons, faisons notre Élysée. L'autre n'est qu'un beau rêve inventé par les rois pour ranger leurs sujets sous la verge des lois. Et cet épouvantail de la foule abusée, ce tartare, ces fouets, ces urnes, ces serpents, font moins de mal aux morts que de peur aux vivants.